Le GIS prévoit d'effectuer au mois de juin les exercices Courageous Channel 2017 destinés à évacuer les civils américains, y compris leurs familles, au cas échéant en Corée du Sud. Suivant le plan d'évacuation des civils du département américain de défense élaboré en 1994, les troupiers américains d'occupation sud-coréenne avaient livré officieusement au printemps et en automne, à partir de 1996, les exercices d'évacuation des civils américains sous l'enseigne d'opérations d'évacuation des non-combattants. Les États-Unis ont mis en public ces exercices qui signifient le prologue du commencement de la guerre afin de manifester dans le monde qu'ils peuvent pour de bon déclencher la guerre contre notre pays et d'exercer au maximum la pression contre notre République.